rap. Et si le rap n'était que fantaisie, que ce qu'on raconte n'était que vide, et si c'est le cirque, alors entrez-y. Si ça vous dit, mangez-y, tentez-y, votre chance, faites-le couler comme le Titanic. On parlera de vous comme d'une histoire chiante, comme celle d'un gars où y'a tout ce qu'il tente qu'y voir. Rien à foutre de vendre, rien à foutre de péter des subs, je voudrais juste y croire. Le rap. Yo, le rap. On m'a dit que le rap est mort, est-ce vrai? Le rap. Yo, le rap. On m'a dit que le rap est mort, est-ce vrai? Ça fait 10 ans que je rappe. Et ben je rappe toujours, mais quand j'entends ce qui sort, je me demande pourquoi je rappe tout court. Je sais qu'on me dira ferme ta gueule, mais je sais ce que je fais, et je sais que l'oasis du rap est sèche. Trop ne savent que dire, se fâche, pire se cache derrière l'image de banlieue lâche. Trop veulent être des hip-hop stars, des icônes, mais trop sont faux comme des seins pleins de silicone. Yo, le rap. Yo, le rap. On m'a dit que le rap est mort, est-ce vrai? Yo, le rap. On m'a dit que le rap est mort, est-ce vrai? Si seulement c'était suite, merde.